sur Radio Impact. Aujourd'hui, au Révolutionnaire de Salon, on va parler du nucléaire, l'énergie dans la matière. Car on sait que dans le nucléaire, il y a beaucoup d'énergie. Bon. Ici, au Salon des Révolutionnaires, on va recevoir toutes sortes de grandes personnalités de l'histoire. On va recevoir des grands penseurs, des grandes penseuses. On va recevoir, par exemple, Gandhi. On va recevoir Winston Churchill. On va recevoir Voltaire. Napoléon. Toutes des grandes personnalités qui ont plein de choses à nous raconter. On va recevoir ensuite des grandes penseuses, comme Simone de Beauvoir, Marie-Antoinette, la grande Catherine de Russie. On va recevoir Élisabeth Ier, la reine Victoria. Ils ont plein de belles choses à dire, ce monde-là. Bon, pour expliquer un peu le Salon des Révolutionnaires, comment on est installé ici, évidemment, on est installé comme un beau grand salon qu'il y avait en Europe en 1850. On a trois grands murs avec des immenses bibliothèques contenant tous les livres les plus importants de l'histoire de l'humanité pour être capable de s'instruire comme il faut, comme à la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et puis, donc, on peut consulter des volumes, à savoir, bon, quand on veut regarder les grands ouvrages de l'histoire, est-ce qu'il y aurait des réponses qui ne seraient pas sur Internet, qui seraient dans ces livres-là? Après ça, sur le quatrième mur, ben, on a une grande map monde pour pouvoir contempler tous les pays, contempler la Terre. Et puis, au centre de la pièce du Salon des Révolutionnaires, ben, il y a un grand globe terrestre qu'on peut faire tourner à volonté pour voir comment le monde tourne pas rond, finalement. Puis ici, au Salon des Révolutionnaires, ben, on est là pour prendre un petit scotch, fumer un bon cigare avec Sigmund Freud. On est là ici pour être à l'aise et puis pour entendre les idées les plus évoluées, faire de la haute voltige. Mais par exemple, à l'entrée du salon, ben il y a un gardien qui s'assure que c'est pas n'importe qui rentre ici. Hein? Il faut au moins avoir 100 à 110 points de quotient. En bas de ça, on rentre pas, là. Parce que sinon, là, ça va juste ralentir le groupe. Fait qu'on a des petits tests de quotient à l'entrée. Bon, répondre des questions d'algèbre, d'intelligence spatio-temporelle, monter des cubes de couleurs. Si vous ne pensez pas, vous ne rentrez pas parler avec les grands penseurs et les grandes penseuses de l'histoire. Non. Bon, cette semaine, on va analyser le problème du nucléaire avec le rapport Météor, comme j'expliquais. Que le rapport Météor, ça, c'est un rapport de 256 pages. Pour faire un survol, finalement, de l'industrie du nucléaire dans le monde, à savoir leurs pratiques, comment ils soustraient l'uranium de la Terre, après ça, comment ils le transforment, après ça, comment ils le consomment dans les centrales nucléaires, après ça, comment que c'est stocké, parce que le nucléaire, même si l'industrie essaie de vous faire croire qu'on peut le recycler, c'est pas vrai. On fait juste le transformer pour en faire un nouveau combustible comme le MOX, mélangé avec du plutonium, qui est super dangereux. Donc, on va tout regarder ça presque en détail parce que le dossier du nucléaire, c'est un gros dossier. Hein. On va être obligé d'y revenir une couple de fois à l'émission des grands penseurs parce que les grands penseurs, eux autres, ils aimeraient ça que la planète, à un moment donné, elle soit pas contaminée complètement à l'uranium hein, puis au plutonium. Parce que là, sinon, il n'y aura plus moyen de penser. Tout le monde va être irradié, on va être muté, l'intelligence va diminuer et c'est déjà bien parti, mais là, ça va être encore pire, là. Donc, c'est ça, je peux expliquer, grosso modo, premièrement, au Canada, comment ça se passe. C'est qu'au Canada, ben, on est le deuxième plus grand producteur d'uranium au monde. Mais là, en ce moment, l'uranium est soutiré essentiellement en Saskatchewan, dans le nord de la Saskatchewan. Mais là, les Canadiens, habituellement, ils sont pas trop au courant de ça. Mais là, moi, je vous le dis, allez pas faire un pique-nique dans le nord de la Saskatchewan, parce que si vous échappez votre sandwich à terre, ben, elle va être contaminée à l'uranium, là. Et puis, t'as deux grandes compagnies qui soustraient l'uranium là-bas, dont Areva et puis un autre que j'ai ici, là, la Sogema Strateco, je pense, là. En tout cas, eux autres, là, ils ont tous salopé le nord de la Saskatchewan. Donc, les Amérindiens qui habitent là-bas, ben, la chasse, la pêche, toutes ces activités-là, ben, dites-vous qu'ils sont contaminés à l'uranium, là. Fait que ça, c'est vivre toutes sortes de maladies, hein, parce que la radioactivité, ben, c'est dans les substances qui peuvent être le plus dangereuses pour tout le vivant, là. C'est pas seulement pour la nature, là. Donc, c'est ça. Nous, dans le fond, on vend notre... Mais là, le plus grand producteur d'uranium au monde, c'est maintenant l'Australie, là. Donc, c'est ça. Ça a été longtemps le Canada, mais c'est rendu l'Australie parce que, bon, j'imagine... ben, ils ont trouvé beaucoup de gisements, là, au centre de l'Australie, là, dans les déserts. Puis là, là-bas, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde, fait qu'ils peuvent faire des mines à ciel ouvert. Ce qui est beaucoup plus facile pour eux autres, là, que faire des mines fermées. Parce que le radon, ben, il s'échappe directement dans l'air au lieu que ce soit les mineurs qui en respirent. Donc, au Québec, ben là, c'est sûr, je peux faire le survol des industries un peu partout, mais je vais vous informer un peu sur le Québec avant, là. C'est que c'est ça, dans le fond, c'est essentiellement la compagnie Areva qui voulait venir soutirer l'uranium au Québec. Parce que là, les autres Areva, ben ça, c'est les Français. Puis Areva, ben c'est possédé à 80% par le gouvernement de France. Donc, eux autres, les Français, ben c'est des idiots, hein. Ils font 80% de leur électricité au nucléaire, quand que tous les pays en Europe sont après sortis du nucléaire. Après l'accident de Fukushima en 2011 au Japon, ben les Allemands, eux autres, tranquillement, pas vite, ils ferment toutes leurs centrales. Après ça, c'est ça, tu sais, dans le fond, tout le monde s'en va vers le solaire, vers l'éolien, vers les énergies alternatives, mais les Français, eux autres, non, ils font 80% de nucléaire encore. Donc, ils disent que là-bas, avoir une voiture à l'électricité, ben c'est une voiture au nucléaire, en fait, parce que ton électricité est produite par de l'uranium, là. Donc, eux autres, les Français, si je regarde dans le rapport Météor... eux autres, dans le fond, ils ont opéré, puis ça, vous pouvez regarder le documentaire « Le scandale de la France contaminée », là, qui en dit pas mal, là. Moi, c'est avec ça que je me suis informé, là. Eux autres, dans le fond, ils ont eu 210 mines d'uranium en France, ce qui est assez difficile à croire, mais ouais. Et puis, dans 25 départements français, ce qui a produit 300 millions de tonnes de résidus miniers radioactifs. Parce qu'on sait que quand il y a une mine d'uranium, si vous avez déjà été à Thetford, ben vous avez vu qu'il y a des gros tas de roches, là. Mais c'est pas des montagnes. Ça, c'était la roche qu'il y avait dans le trou de la mine. Donc, quand on sort toute la roche de la terre, ben ça fait une grosse montagne à côté. Fait que pour une mine d'uranium, ben ils vont prendre l'uranium essentiellement. Donc, il n'y aura plus vraiment d'uranium dans la montagne de résidus miniers, sauf qu'il va y avoir encore toutes les sœurs de l'uranium qui appellent, ça veut dire les produits qui sont près de l'uranium mais qui sont encore radioactifs. Donc, les tas de roches sont encore à 85% radioactifs. Mais là, en France, eux autres, les bonnes compagnies de l'époque, ben, ils étaient très gentils, hein, fait qu'ils vendaient le stérile minier pas cher. Aux fermiers qui voulaient se construire des garages en pierre et puis faire des aménagements de leur terrain. Puis ensuite, ben, le gouvernement de France aussi a construit des routes avec les résidus des stériles miniers, ce qui fait qu'en France, on a des belles routes radioactives. Puis là, il y a une femme, elle, son nom, là, je l'ai ici, là, en tout cas, elle s'est promenée sur différentes routes avec son détecteur pour voir... dans le fond, c'était quoi le taux de radiation, là. Fait que elle s'appelle Arlette Manson du collectif écologique Bois Noir. Puis sur certaines routes, elle a détecté, par exemple, des puissances de 600 becquerels par seconde. Donc les gens qui roulent là-dessus, ben ils sont irradiés là, du derrière, là, carrément, là. Puis là, ben, tu sais, comme je vous dis, échappez pas votre sandwich à terre sur l'autoroute parce que ça se pourrait qu'il y ait de l'uranium dessus après ou d'autres produits là, radioactifs. Puis elle a détecté des endroits où est-ce que ça allait jusqu'à 13 000 becquerels. Là. Ce qui est un peu stupide, là. Mais ça, c'est les Français, eux autres, hein. Ils ont un complexe de supériorité, ils se pensent tout le temps bon, là. Fait que dans le fond, ils pensent qu'il n'y a pas de problème, là. Mais non, la France, finalement, si vous regardez les cartes dans le documentaire « Le scandale de la France contaminée », ben la France s'est rendue comme un gros gruyère radioactif. Donc, c'est très difficile d'aller en France, dans une certaine région, sans être proche d'un ancien site de mine d'uranium, parce qu'il y en a eu 210 mines d'uranium. Donc, c'est énorme, là. Donc là, eux autres, après avoir tout pris ça, cet uranium-là, sur une période de 1946 à 2001, ben là, ils ont tous pris leur roche. Fait que, hein, ben là, à cette heure, ils la cherchent ailleurs. Donc, ils sont en Afrique, ils sont au Canada, ils sont partout à essayer de saloper les pays des autres pour alimenter le réacteur, pour après ça, saloper l'air. Puis, dans le fond... c'est engendré des possibilités d'accidents nucléaires là, à tout instant. Puis, ils en ont eu des accidents nucléaires là, quand même assez importants en France, là, sans que ça brûle comme à Tchernobyl, mais des accidents là, d'un certain ordre où est-ce qu'il y a eu de la radioactivité démise dans l'environnement. Donc, les Français, eux autres, c'est vraiment pas un exemple à suivre. Les Français, eux autres, pour résumer aussi, c'est que mais les Français, c'est qu'ils ont des ingénieurs très intelligents. Donc, ils peuvent te raconter n'importe quoi, puis on va penser que finalement, ça n'entraîne pas de pollution. Comme par exemple, ils vont dire qu'une personne dégage plus de radioactivité que quand, je sais pas moi, qu'un déchet nucléaire standard, là, mais ce qui n'est pas vrai. La radioactivité... par exemple, dans la Terre, t'as l'uranium-238, mais c'est pas comme du plutonium. C'est un genre du plutonium, c'est beaucoup plus toxique. Il y a des produits radioactifs qui sont plus toxiques que d'autres. Là. L'uranium-235 est plus toxique que le 239 naturel dans la Terre. Donc, tu sais, ils vont jouer sur les taux. Ils essaient de faire gober la pelule aux Français puis au reste de la planète, mais ça vaut absolument rien, là. Donc, eux autres, les Français, dans leur grande candeur, ben là, ils ont un centre de recyclage supposé dans le nord de la France, en Normandie, en tout cas dans l'ouest, là, dans le nord-ouest de la France, où est-ce que là, ils ont un centre géant qui stockait les déchets de 5 pays, dont le Japon, les États-Unis... toutes les grandes... là, je les ai ici, là, mais là, par cœur, je m'en rappelle pas, là, en tout cas. Tu sais, mais là, les pays, c'est qu'à... Tu sais, là, dans le centre de la Hague, que ça s'appelle, où c'est un méga complexe de stockage puis de supposé recyclage du nucléaire, ben là, là-dedans, tu sais, ils ont des immenses piscines où est-ce qu'ils vont stocker les déchets en attendant là-dedans. Puis là, comme je dis, ils vont produire du MOX, essentiellement, là. Ils vont réenrichir le combustible nucléaire pour qu'il soit réutilisable pour des centrales éventuelles à l'échelle internationale. Sauf que dans le fond, c'est ça, la Hague, là, c'est que les pays ne veulent plus reprendre leurs déchets atomiques. Là. Ils étaient supposés les stocker là pour un temps, puis finalement, ils ne veulent plus. Fait que la Hague, ils sont pognés avec ça. Puis la Hague, ben tu sais, on sait que toutes les manipulations des résidus nucléaires à toutes les étapes, que ce soit dans les mines, que ce soit dans les réacteurs, que ce soit après, que ce soit pour les centres de stockage définitifs dans la Terre, à toutes les étapes, le nucléaire, c'est toujours extrêmement toxique, là. Donc, eux autres, les manipulations qu'ils font pour supposément recycler, ben c'est tout fait dans des pièces fermées. Il n'y a personne qui peut accéder à ça, sauf avec des bras robotisés ou avec des mains avec des gants, là. Donc, puis ça, ben évidemment, il y a tout le temps des particules qui vont s'évaporer, qui vont s'échapper de ça. Puis non seulement, c'est qu'après ça, ben ces écœurants-là, parce que c'est des vrais, il faudrait les arrêter pour ça, là. C'est que là, il y a certains produits que je sais pas exactement là, d'où est-ce que ça sort dans leur... dans leur production, dans leur supposé recyclage, c'est qu'ils vont, ils ont une espèce de grand tuyau de plusieurs kilomètres qui part de leur centre de recyclage, puis qu'ils vont envoyer ça dans l'océan, dans la Manche, finalement. Donc là, il y a des produits radioactifs qui sont complètement relâchés dans l'océan. Puis t'as un organisme comme Greenpeace, qu'eux autres, ils ont été prendre des mesures à la sortie de ce tuyau-là, puis c'est très radioactif. Fait que dans le fond, eux autres, ils envoient ça dans l'océan, puis là, ils pensent que ça contaminera pas toute la planète, mais c'est totalement faux, là, parce qu'on sait qu'une goutte d'eau, ça prend 600 ans avant qu'elle fasse le tour de la planète. Avec le Gulf Stream, avec les courants océaniques planétaires, ben, l'eau a fait le tour, hein. C'est un cycle fermé, ça, là, la Terre, là. Donc, eux autres, il faut les stopper parce qu'ils sont après tout contaminés l'océan. Ça, c'est sans compter toutes les compagnies nucléaires qui ont jeté leur baril radioactif à l'eau jusqu'en 1996, je pense, là, où ce que Greenpeace ont réussi à faire un coup international pour montrer là, qu'est-ce qu'ils faisaient, là. Fait qu'eux autres, la hague, ben là, ils l'envoient en douce comme ça dans l'eau. Là. Fait que, tu sais, on voit que Areva... le gouvernement français là, qui les endosse, ben, tu sais, ils sont pas clean. Fait que quand ils disent qu'ils veulent venir faire des mines d'uranium au Québec, ben on s'entend qu'eux autres, la protection de l'environnement, là, ils s'en balancent pas mal. Eux autres, ils veulent du combustible pas cher pour opérer, avoir un coût du kilowattheure qui est pas cher. Mais le nucléaire, même s'ils te sortent un prix que le kilowattheure est pas cher, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ça comprend pas le prix d'entreposage des déchets nucléaires, que c'est ça le vrai coût. Là. Parce que les centres de stockage nucléaire, là, comme là, je peux en parler aussi au Québec après ça avec Gentilly 2, là, c'est que les déchets, là, ça coûte extrêmement cher à stocker. Parce que soit qu'ils les laissent en surface, comme à Gentilly 2, que là, c'est dans un entrepôt, ce que n'importe qui puisse garocher avec un avion là-dessus, puis ça va pogner en feu, on va être bien mal pris au Québec, là. Ou que c'est en profondeur, comme ils veulent faire un centre en France, où ce que là, dans le fond, les déchets vont être stockés, je pense, à une affaire comme, je pense, c'est pas un kilomètre ou 150 mètres, en tout cas, là, il y a un gros projet, sauf que les déchets, ils peuvent juste les recycler pendant 100 ans. Ils peuvent juste aller les rechercher pendant une période de 100 à 150 ans, ce qui fait que, dans le fond, ils vont les laisser là. Là hein? Puis ça va contaminer les couches aquifères, donc, fait que les déchets, ils savent pas quoi faire avec. Puis fait que là, ils rejettent, eux autres, la facture sur les centaines, les milliers de générations qu'il va falloir qu'ils surveillent ça, ces centres-là. Puis qu'ils payent des employés à chaque année, puis qu'ils payent pour remettre du béton par-dessus les cuves qui fuient, là, parce qu'aux États-Unis, il y en a déjà des centres de stockage où les gros containers en béton, là, ben l'uranium sort au bout de pareil. Là. Hein? Fait que l'uranium, c'est le coût du kilowattheure par rapport au nucléaire, ça, c'est exorbitant, là. Fait que ça, cette industrie-là, ça fait juste polluer la planète, ça fait juste détruire toutes nos potentialités, dans le fond, de développement, le futur. Donc, nous autres, au Québec, le problème, parce que moi, je l'ai étudié, toutes les productions d'uranium dans le monde sont toutes polluantes. Qu'on regarde les mines qu'il y a eu en France, qu'on regarde les mines qu'il y a eu aux États-Unis, le nord de la Saskatchewan qui est pollué à l'uranium. Après ça, si on regarde en Russie aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur ville fermée, là. Parce que les Russes, elles ont avec, là, c'est pas reluisant, là. Ça, on va en parler. Après ça, en Afrique, au Niger, elles autres, c'est des mines d'uranium, mais dans le désert. Fait que là, quand ça fait des grosses montagnes de stériles miniers, ben, c'est du sable. Fait que quand le vent pogne là-dedans, ben, ça s'en va partout autour. Donc, au Kazakhstan, il y a de l'uranium. Toutes les places où ils ont soutiré l'uranium de la Terre, c'est tout pollué à jamais autour. Là. OK? Fait que là, nous autres, là, avec le plan Nord, là, eux autres, ils voulaient aller soutirer l'uranium. Mais là, on a réussi à les bloquer avec un moratoire là, anti-mine d'uranium. Mais là, pourquoi que nous autres, dans le Nord, il faut pas qu'il y ait de mine d'uranium? Surtout, c'est qu'on a de l'eau douce. Nous autres, le Québec, on a une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Sinon, la plus grande réserve d'eau douce, à part les calottes polaires. Là. Donc, nous autres, là, on arrête des mines d'uranium là, partout là, dans le nord. Là, parce que là, ça va faire des stériles miniers. Comme je vous dis, que les gros tas de roches sont encore radioactifs à 85%. Puis là, avec l'eau, le vent, tout ça, ça va tout contaminer notre eau douce. Là. Puis là, si on regarde la géologie du Québec, là, ben, tu sais, aussi, le terrain est en pente. Fait que tout ça, cette eau-là, ça va converger vers le fleuve Saint-Laurent. Parce que là, après ça, tous les écosystèmes du fleuve Saint-Laurent vont être contaminés. Là. Fait que là, nous autres, là, on n'a rien à gagner de ça. Là. Fait que ça, on a des compagnies comme Areva ou d'autres qui veulent se réinstaller plus tard, ben il faut qu'on les bloque. Il faut qu'on les bloque à jamais parce qu'ils vont polluer nos réserves d'eau à jamais. Là. Parce que comme je vous dis, le nucléaire, ça, on revient pas en arrière avec ça. Là. Ça, c'est pollué à jamais. Là. Fait que la planète, si on la pollue, ben après ça, ça reviendra pas. Hein? Puis je suis sûr que même les extraterrestres sur la planète, ben ils ont avec, ils en ont des. Parce que si on regarde le tableau périodique, on a tous les mêmes éléments là, dans l'univers. Là. Fait que les extraterrestres, ben ils ont avec, ils en ont de l'uranium sur la planète. Là. T'sais, on parle des millions d'espèces extraterrestres qui peuvent exister partout dans les galaxies. Là. Fait qu'eux autres, ben, ça même affaire. S'ils sortent trop l'uranium de la Terre, puis ils ont une couple de réacteurs atomiques qui partent en feu, ben, ils ont contaminé leur petite couche d'atmosphère. Parce que ça, l'atmosphère, c'est pas épais, là. C'est rien que. C'est 50 à 100 km là, d'air qu'on a autour de nous autres, là. Hein? Environ 30 km là, avec beaucoup d'oxygène, mais l'espace, ils disent qu'elle commence à 80 km. Là. Donc, c'est ça. Pour le Québec, évidemment, c'est sûr que c'est plus des Amérindiens que dans le Nord, puis au Labrador, mais c'est pas grave. Eux autres, il faut les protéger. Puis il faut aussi protéger les plantes, les animaux. Il faut protéger notre eau douce. Puis ensuite, il faut protéger éventuellement les populations riveraines du fleuve Saint-Laurent qui pourraient aussi être contaminées à l'uranium. Mais là, c'est sûr, ces compagnies-là, ils vont nous dire que c'est pas grave parce que ça va seulement être des traces. Mais c'est parce que c'est pas grave. Même quand tu consommes des traces de plutonium, ben le plutonium, il peut se stocker dans ton organisme. Là. Donc, là, je sais pas exactement, mais là, c'est sûr que je peux vous donner plein d'autres détails, là, mais... Là, ce que je dirais, avant de continuer plus loin, parce que là, déjà, j'ai un petit peu entamé, ce que je voulais expliquer, c'est que, dans le fond, le problème principal du nucléaire, je vais vous le dire, parce que là, si je le dis dans 45 minutes, il y en a peut-être qui n'écouteront plus, là. Le gros problème du nucléaire, moi, je vais vous le dire, puis ça, je l'ai trouvé dans mon rapport, parce que... mais ça, j'ai pas entendu grand monde qui en ont parlé de ça, là. Puis moi, je pense qu'au contraire, c'est un des problèmes principaux, là, sinon le problème numéro un. C'est que quand on regarde les accidents nucléaires qu'il y a eu sur la planète, ben là, on s'aperçoit que ça prend pas beaucoup de radioactivité pour contaminer une grande région. Parce que souvent, les gens, ils vont penser que ce qui est le pire, c'est les bombes atomiques. Mais non, une bombe atomique, ça, c'est juste une petite charge, c'est juste une petite boule d'uranium ou de plutonium, puis ça fait un gros flash, ça pousse beaucoup de vent, ça envoie une bonne onde de choc, mais après ça, c'est quand même vite vaporisé dans l'air. Donc, ça va laisser des retombées radioactives. Si, par exemple, il y a de la pluie, l'eau qui va tomber des nuages va être très radioactive, donc c'est souvent pas conseillé de sortir dehors après un accident nucléaire s'il y a de la pluie là, ou de la neige. Les précipitations, les autres vont transférer ça beaucoup. Mais c'est pas les bombes atomiques qui sont les pires. C'est vraiment ça, l'extraction de l'uranium qui va, comme je dis, sortir des tonnes et des tonnes de matériaux radioactifs de la Terre. Là. Mais le pire, c'est plutôt quand il y a un incendie dans les centrales nucléaires. Parce que les centrales nucléaires, elles autres, ils vont stocker des tonnes et des tonnes de déchets. Puis ils sont concentrés, les déchets, là, parce qu'ils ont servi au réacteur. Puis le réacteur, lui, il va consommer une certaine partie de l'énergie des atomes. C'est pour ça qu'eux autres, le rêve du nucléaire, c'est de réussir à récupérer ça, là, parce qu'il y a 90% et plus de la réactivité qui pourrait être réactivée. Donc, c'est pour ça que les autres, ils croient au recyclage, mais en fait, c'est très, très, très difficile à recycler. Là. Donc, ce qui est dangereux, c'est quand une centrale nucléaire brûle, comme à Tchernobyl. Donc, quand Tchernobyl, ça a parti en feu, mais là, le réacteur a pris en feu, le réacteur a fondu, ça a créé du corium, qui est comme une espèce de lave radioactive qui a fait fondre la cuve. Puis là, ensuite, il y avait peur que ça fasse fondre la base du bâtiment, puis que ça s'infiltre dans les couches aquifères, parce que là, ça aurait pollué une grande superficie d'eau. Là. Donc, ce qui est dangereux, c'est les incendies de centrales nucléaires. Ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, en ce moment, sur la planète, si je me rappelle bien, il y a environ 258 réacteurs, là. Dont il y en a quelques-uns qui sont soit fermés ou en cours d'être fermés. Mais le gros problème principal, que là, ça, je suis certain que si je le dis tout de suite, le nucléaire, ils ne sont pas capables de répondre à ça, là. C'est que dans le fond, moi, je pense que si, mettons, on pense que évidemment, il peut y avoir des problèmes dans le futur, mettons, des blasts solaires. mettons, des grands champs électromagnétiques du soleil, par exemple, qui éteignent d'un coup tous nos appareils électroniques, tous les appareils électroniques qui n'ont pas de bouclier anti-plasma solaire, bon, ben, les autres, ces systèmes électroniques-là vont céder. Puis on sait que des blasts solaires, il y en a assez souvent. Et puis, c'est à présager qu'il va en arriver quelques-uns, peut-être d'ici 100 ans, 200, 300 ans. Donc, ou sinon, il peut y avoir des guerres, il peut y avoir toutes sortes de problèmes au niveau des structures sociales, de l'électricité, bon, etc. Des pannes. Bon. Fait que là, le problème, c'est que les centrales atomiques qui existent en ce moment, si il y a un trop gros clash civilisationnel, ben ça se peut que les gens qui travaillent là ne se rendent plus à la centrale. Donc, si, mettons, moi, je travaille à la centrale, mais là, il y a une guerre, mais là, moi, je vais-tu aller puncher à la centrale à tous les jours, là? Moi, je vais-tu rentrer à la shop, moi, si je suis pas payé? Probablement pas. Donc, ces gens-là qui travaillent dans les centrales ne rentreront peut-être même pas travailler. Donc, finalement, ils vont laisser la centrale à l'abandon. Puis qu'est-ce qui arrive si on laisse une centrale à l'abandon? Bien, c'est que l'eau lourde qu'il y a dans les piscines, qui sont par-dessus les déchets nucléaires, parce que les déchets nucléaires, quand ils sortent du réacteur, ça prend 5 ans avant qu'ils refroidissent. Comme ici, à Gentilly, ça a pris 5 ans avant que... Là, c'est des Allemands qui sont après démanteler notre centrale, parce que nous autres, on n'avait pas assez d'expertise, là. Donc, les déchets, eux autres, c'est des métaux. Ça, c'est des métaux radioactifs, fait qu'ils restent chauds très longtemps. Fait que c'est pour ça qu'il faut les laisser dans des piscines. Puis là, après ça, ben ils les mettent dans des entrepôts sèches, qu'on appelle, là, à l'extérieur, où que les déchets vont continuer à refroidir. Mais là, c'est que s'il n'y a pas personne pour aller remplir les piscines, mais là, cette eau-là, elle va s'évaporer après un certain temps. Puis s'il n'y a pas d'eau autour des déchets nucléaires, qu'est-ce qui arrive? Mais les déchets nucléaires, ils pognent en feu. Fait que là, s'ils pognent en feu, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des grosses catastrophes comme à Tchernobyl. Puis là, t'as des tonnes et des tonnes de déchets nucléaires qui pognent en feu, qui envoient toutes les particules dans l'air, dans l'atmosphère. Fait que là, avec 258 centrales autour de la planète, là, que, là comme je dis, il y en a qui sont fermées, mais quand même qu'il y en aurait juste 150, ben ça, c'est 150 centrales que le nucléaire, eux autres, ils n'ont pas de système automatisé de robots pour remplir les piscines automatiquement s'il arrive des problèmes. Ou en tout cas, moi, j'ai rien vu là, par rapport à ça. Là. Fait que les autres, l'industrie, là, ils, non seulement ils pensent que les déchets, tu sais, ça va rester bien protégé par les futures générations d'imbéciles qui vont aller surveiller les sites, là. Mais en plus, ils pensent que les piscines radioactives avec les pires déchets jamais créés par l'humanité, les autres, ça s'évaporera jamais, ça, là. Puis, tu sais, ils n'ont pas rien, ils n'ont pas de système de redondance là, pour remettre de l'eau là, une couple de mois de temps, là. Tout d'un coup, que nous autres, l'humanité, on a des problèmes là, pour aller prendre soin de ça, ces centrales-là. Fait que le problème principal, c'est ça, en fait. Puis là, c'est que si, par exemple, il y avait juste 3, 4, 5 centrales qui pogneraient en feu partout sur la planète, bien déjà, on aurait une pollution qui serait probablement irréversible. Donc, on serait même plus capable de récupérer la planète après ça, là. Parce que déjà, avec tous les tests nucléaires qu'ils ont fait dans l'atmosphère, ils ont fait en plus que 2000 tests nucléaires, parce qu'avant ça, ils faisaient comme les États-Unis, ils ont fait exploser beaucoup de bombes au Nevada, puis après ça, les Russes, puis après ça, les Français à l'atoll Bikini, en tout cas, dans leur colonie du Pacifique, ils ont fait exploser plein de bombes atomiques. Mais ça, qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a fait augmenter la radioactivité ambiante. Ben oui, parce qu'avant ça, la radioactivité ambiante, c'était 2 becquerels. Fait que là, quand tu partais ton petit détecteur de radioactivité, tu détectais juste 2 becquerels par seconde. Mais là, à cette heure, tu en détectes 20 becquerels. OK? Fait qu'ils l'ont fait augmenter x10, juste en faisant sauter 2000 bombes atomiques. Puis comme je l'ai dit, les bombes atomiques, il n'y a rien là-dedans. Là. C'est juste une petite charge. Fait que là s'il y avait des centrales nucléaires partout qui brûleraient sa planète, là, parce que l'industrie, les autres, ont été trop innocents, ils ont trop pensé que tout marcherait bien là, sur papier là, pendant des années, ben non. Fait que là, ça, c'est un fléau, le nucléaire, qui peut détruire notre planète n'importe quand. Fait que là, à l'époque, où on est rendu avec des panneaux solaires, des éoliennes, des hydroliennes, toutes sortes de systèmes alternatifs, ben l'industrie du nucléaire, avec les réacteurs à fission, ben elle est carrément rendue trop dangereuse pour nous autres. Là. Mais je dis pas qu'il pourrait pas avoir des réacteurs à fusion. Les réacteurs à fusion, supposément, qui s'éteignent automatiquement, ils consomment moins de combustible, Mais bon, encore là, c'est toujours risqué, là. Mais les réacteurs à fission, ça, c'est clair que pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'avenir là-dedans, là. C'est vraiment... c'est toutes des bombes à retardement, là, qui vont nous péter en pleine face, qui vont saccager notre planète à jamais. Parce qu'on sait que l'uranium, la demi-vie de l'uranium, c'est 4,5 milliards d'années. Donc, l'uranium, ben ça prend 4 milliards d'années avant qu'elle ait juste perdu la moitié de son énergie. Donc, tu sais, puis là, dans 4 milliards d'années, ben c'est plate, mais le Soleil va déjà avoir tombé en phase d'expansion, fait que tu sais, dans le fond, il va déjà avoir fallu quitter la planète, là. Fait que c'est ça. Fait que l'industrie du nucléaire, eux autres, ils nous en parlent pas. Eux autres, là, l'industrie du nucléaire, là, ça, c'est comme n'importe quelle entreprise privée. Eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est de l'argent à court terme. Parce que j'avais vu sur Internet que ceux qui opèrent une centrale, ils vont appeler ça, le groupe, c'est les Atomkraftwerk. Bon, mais eux autres, les Atomkraftwerk, ils vont générer environ 1 million de dollars par jour. Fait que eux autres, c'est à ça qu'ils pensent. Tu sais, c'est privé en partie, ceux-là, là. Fait que là, eux autres, ils veulent faire de l'argent rapidement, puis après ça, ben les générations futures, ben ils s'arrangeront avec les déchets, hein, c'est comme n'importe quoi, sauf que ça, ces déchets-là, il n'y a rien de pire que ça, là. Il n'y a rien de pire que ça dans tout l'univers, là. OK? Donc, il faut faire attention à ça, là. C'est des choix, ça, de civilisation qu'on prend, là. Bon. Après ça, sur les centrales, ben c'est ça, là. Il faudrait avoir des systèmes automatisés de remplissage des piscines. Ça serait le minimum. Sinon, ben carrément, tout arrêter ça. Ah oui. Ce que je peux dire par rapport aux Français, là, la grande candeur des Français et leur ignorance historique, là, c'est que là, eux autres, tant qu'à avoir le pied dans le sang mouvant, ils décident de se mettre la tête comme il faut. Là eux autres, non, parce qu'une centrale nucléaire, en général, ça va produire à peu près maximum 1000 kWh. Mais souvent, ils les font... Comme les Russes, tu sais, quand ils vont faire un 500-600 kWh, c'est beaucoup. Mégawatts, excusez. Quand ils vont faire 500 mégawatts, c'est beaucoup parce que les centrales nucléaires, les réacteurs, ils les font pas marcher à pleine puissance de peur que, justement, la réaction s'emballe. Donc, mais là, les Français, avec leur super intelligence, là, puis leur aveuglement généralisé, là, les autres sont partis dans les méga, les super réacteurs. Et là, ils ont fait un réacteur dans le nord de la France qui, là, est jamais fini parce qu'ils ont des dépassements de coûts, des dépassements de temps incroyables. Là, les autres, le réacteur, l'EPR. Mais là, les autres, ça équivaut à 5 centrales nucléaires standard. Donc, on parle d'un super réacteur, là. Mais là, ils disent qu'avec un réacteur comme ça, ben, ils pourraient alimenter la ville de Paris au complet. Puis ça, habituellement, ben, ça leur aurait pris 5 réacteurs pour alimenter Paris, là. Mais là, avec juste un réacteur, ils sont capables. Mais là, les autres disent « Hey, wow, c'est génial. » Mais là, les Français, eux autres, ils sont pas capables de terminer à temps, là. Mais là, les Chinois, eux autres, ils en ont fait un réacteur, la même affaire qu'eux autres. Ils ont un EPR chinois qu'ils disent. Mais là, c'est pour ça, tu sais, il faut pas que tout le monde commence à faire des EPR partout, là. Parce que si ces genres d'EPR-là pognent en feu, là, ben, ça n'en prendra peut-être juste une centrale comme ça, là, qui brûle comme il faut, là, on oublie ça, l'Europe, là, ça va être contaminé pas mal, puis ça, c'est sur le bord de l'eau, ça va aller dans l'océan, ça va faire le tour de la planète. C'est toutes des affaires extrêmement risquées, là. Donc, pour le peu que ça donne d'électricité à court terme, ça donne absolument de rien d'aller là-dedans, là. Fait que les Français, eux autres, tu sais, c'est ça, ils sont aveugles, ils font 80% de leur électricité au nucléaire. Là, ils sont après construits des centrales qui sont encore 5 fois plus grosses, 5 fois plus dangereuses, même s'ils disent qu'ils ont des systèmes anti-sismiques, des systèmes anti-crash d'avion. Essentiellement, c'est le même réacteur des réacteurs de génération 4, génération 5. Il n'y a pas vraiment de différence. C'est de la fission nucléaire bien standard. Comme Albert Einstein l'a dit, faire bouillir de l'eau avec du nucléaire, c'est la pire idée qu'on peut pas avoir. C'est la façon la plus stupide de faire bouillir de l'eau. Ben, les autres, ils croient à ça pas mal, là. Mais les Français, ils ont un réacteur nouveau genre, l'ITER, dans le sud de la France, où est-ce que là, ils veulent faire de la fusion nucléaire dans un tor. Sauf que c'est ça, ils essayent de créer un plasma dans un tor qui se promène, contrôlé par des champs électromagnétiques, puis réchauffé par des faisceaux de micro-ondes. Ce que là, ils réussissent à le faire fonctionner, mais quelques secondes. Mais là, les autres veulent faire fonctionner ça des minutes entières. T'sais. On le voit que l'humanité, on a de la misère. Là. C'est sûr que c'est des bonnes idées, mais il y a tellement d'affaires plus simples et plus sécuritaires à entreprendre que on se demande. Là, c'est sûr ils veulent faire de la recherche de pointe, là, mais jusqu'à un certain point, là, à un moment donné, ça devient ridicule. Là. Mais c'est ça, dans les réacteurs à fusion, ben il y en a d'autres. Il y en a un autre avec le mégajoule, avec des lasers qui sont concentrés sur une petite tête d'épingle qui réussissent à créer la fusion à 150 millions de degrés Celsius. Tu as aussi des réacteurs à fusion à froid qui supposément fonctionneraient aussi, là, qui réussissent à créer la fusion, mais avec des températures beaucoup plus basses. Bon, il y a toutes sortes d'innovations, là, mais tu sais, l'océan, ben, on peut la remplir avec des hydroliennes, hein, puis le désert, ben, on peut remplir ça avec des panneaux solaires aussi, hein, puis on peut envoyer l'électricité un peu partout, là. Donc, il y en a des solutions. Il faut prendre les plus simples, les plus sécuritaires, parce que quand une éolienne tombe à terre, ben, c'est beaucoup moins dangereux, hein. Bon, OK. Fait que là, je peux regarder... C'est sûr que là, j'en ai dit un peu, mais... Bon. Mettons ce que je pourrais vous dire... Je pourrais vous parler un peu là, des radioéléments dangereux, puis je vais vous parler des aliments chélateurs. C'est sûr que je vais revenir aussi sur l'industrie, là, mais pour informer plus les gens, là, parce que ça, dans le fond, ça va vous aider aussi à... pas manger de métaux lourds. Parce que le nucléaire, ben c'est ça. Premièrement, le nucléaire, l'uranium, il y en a partout dans la Terre. Sauf qu'il y a des régions où il y en a plus que d'autres. Donc, comme par exemple à Oka ou à Deux Montagnes, bon, mais ça, c'est des coins où est-ce qu'il y a beaucoup d'uranium dans la Terre. Donc, si par exemple, tu as une fissure dans ton sous-sol, ben ça se peut qu'il y ait... parce que l'uranium, lui, il va se désintégrer. Il va créer un gaz qui s'appelle le radon. Puis le radon, lui, ben il va passer dans les cracks de sous-sol. Donc, souvent, il va contaminer une cave, ce qui fait que la cave va devenir radioactive. Si quelqu'un passe là avec un détecteur, il va le détecter, là. Puis le radon dans les sous-sols, ça, c'est la deuxième cause de cancer après la cigarette. Fait qu'on s'entend que c'est quand même assez dangereux, le radon, là, quand il y en a trop dans une maison, là. Donc, eux autres, à Oka, j'avais vu, à un moment donné, là, ils ont un verger, là, puis là-bas, c'est rempli de radon au sol, parce que le radon, ça, c'est un gaz qui est lourd, donc lui, il va rester plus au sol, mais il va se promener un peu partout. Puis ils disent que le radon, ben il y en a plus en campagne, parce que les routes sont moins recouvertes qu'en ville, évidemment. Donc, le radon, lui... il va être absorbé par les plantes, puis dans les plantes, il va se transformer en plomb-210, en polonium-210, ce qui fait que les plants de tabac contiennent du polonium-210. Là. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que c'est pas très bon, le tabac. Là. Mais sinon, c'est ça, en fait, tu sais, il y en a un peu à l'état naturel. Sauf que, c'est ça, on n'est pas dans les concentrations de ce que le nucléaire va produire par la suite quand il va le concentrer avec des centrifugeuses. Là. Donc, c'est pour ça. Fait qu'on absorbe des produits, des métaux lourds par notre alimentation, mais aussi, une fois de temps en temps, si on habite à Gentilly, par exemple, on va absorber un des 57 éléments radioactifs du tableau périodique qui a été détecté dans l'environnement là-bas. Parce que les autres... mettons, Énergie atomique du Canada, ils vont dire qu'il n'y a pas de problème à rester proche d'une centrale, là, mais les experts internationaux, eux autres, vont dire que c'est mieux de ne pas faire de jardin dans un rayon de 10 à 20 km autour d'une centrale. Puis nous autres, nos centrales au Canada, les Candu, ben ils produisaient beaucoup d'hydrogène. Attends, c'est l'hélium-3, je pense. L'hélium-3, ça, c'est ce que ça a l'une. En tout cas, je vais le retrouver, là. En tout cas, il y a beaucoup de substances qui étaient produites autour de la centrale. Qu'eux autres... Attends, c'est H3. Ouais, c'est H3. En fait, ils vont dire que c'est de l'eau. Mais en fait, c'est pas vraiment de l'eau. C'est radioactif parce que ça émet des particules alpha. Puis les particules alpha, ils vont dire que c'est pas dangereux parce que ça n'émet pas de radioactivité sur une longue distance. Sauf que quand tu vas l'absorber, C'est du tritium, c'est ça, le tritium qui a été émis, en milliards de becquerels autour des centrales Candu, là, mais ici, là, au Québec, là, autour de Gentilly. Donc, le tritium, ben ça, c'est, ils vont dire, c'est ça, c'est pas dangereux parce que ça émet rien que des particules alpha. Sauf que les particules alpha sont dangereuses quand on les absorbe. Ben oui, parce que là, ils vont émettre à l'intérieur de ton corps. Donc, c'est pas très bon pour la santé, là. Ça va faire muter ton bagage génétique. Donc, c'est pour ça que, dont plus les 57 éléments du tableau périodique qu'ils ont retrouvés autour. Donc, tu sais, on s'entend que tes tomates, ben, elles sont pas bonnes. Puis, si t'en manges trop, ben, ça va s'accumuler dans tes os, dans tes tissus, etc. Puis là, c'est ça que je vais vous parler, les aliments chélateurs qui permettent de faire sortir la radioactivité et les métaux lourds en général. Donc, par exemple, le calcium, quand on mange du calcium, ben ça s'en va essentiellement dans les os. Donc, s'il y a certains produits radioactifs que vous absorbez, ben ils peuvent être confondus par le corps comme étant du calcium. Comme par exemple, si vous absorbez du strontium-90, ça, je pense que dans le coin de Tchernobyl, ils en ont absorbé beaucoup, là. Le strontium-90 va être pris pour du calcium. Après ça, le strontium-85, le barium-140, le radium. Comme Marie Curie, là, a travaillé avec ça, elle, ben, c'est ça, ça en absorbe, ça va dans les os, là. Puis là, une fois que la radioactivité est dans l'os, là, ben, elle sort pas de là. Fait qu'elle va juste irradier à l'intérieur, ça va faire une étoile qui appelle, là. T'sais, où est-ce que la particule allait, ben, là, autour, ça va faire des, comme une étoile, mais ça, l'étoile, ça, c'est toutes tes cellules mutées autour, là. Donc, c'est pas très bon, là. Après ça, le potassium. Le potassium, ça va dans les muscles, dans les reins. OK? Sauf que... Attends un peu. Suicide. Ouais. Fait que ça, le potassium, le corps, il va les confondre avec... Ouais, c'est ça. Ça va dans les muscles, les reins, le foie, les organes reproducteurs. Donc, le corps, s'il absorbe le cesium-137, ben à ce moment-là, il va le prendre pour du potassium, il va l'envoyer dans les organes. Le cesium-134, le potassium-42, le potassium-44. Fait que tu sais, le potassium, là, chaque élément du tableau périodique va avoir souvent sa version isotope radioactif. Fait que le potassium, il y en a qui sont radioactifs, là. Puis comme le cesium-137, ça a été produit beaucoup par la centrale de Fukushima. Donc, dans l'océan, ben là, dans le Pacifique, ben là, ça a tout été libéré dans le Pacifique. Fait que là, quand tu manges tes petites crevettes du Pacifique, là, tu dis, moi, je suis bon, ouais, moi, je mange des fruits de mer, je suis luxueux, ouais, mais c'est ça, mais tu viens d'absorber du cesium-137, là, puis de l'iode-131. Fait que ça s'en va où ce que tu penses, là. Fait que les poissons dans l'océan, là, c'est de moins en moins bon, ouais. Puis si tu manges des algues aussi, là, ouais, les algues aussi, ça n'absorbe pas mal, ça. OK, fait que, par exemple, aussi l'iode, si habituellement, ils vont distribuer des capsules d'iode pour les résidents qui restent proches des centrales, ben c'est parce que t'as aussi la version radioactive qui est l'iode-131. Puis l'iode-131, ben lui, il s'en va dans la thyroïde puis dans les gonades. Les glandes. Après ça, c'est pour ça que quand ils donnent des capsules d'iode, mais ça va saturer ta thyroïde en iode, ce qui fait qu'elle n'absorbera pas l'iode 131. Ça, l'iode 131, il est libéré souvent par les réacteurs nucléaires. Là, ce n'est un élément qui est problématique, là. Donc, mais tu sais, c'est pas parce que tu prends un petit peu de capsule d'iode là, que tu vas être sauvé là, du gros blast, là. Tu vas être sauvé de tous les polluants. Il faut juste pas habiter à côté de la centrale. Ou sinon, ne pas avoir de centrale du coup. C'est pour ça que quand René Lévesque, il disait qu'il fallait construire... Lui, là, il avait gobé ce que Énergie atomique du Canada, il disait, on dirait. Là. Parce que les autres, Énergie atomique du Canada, quand ils ont développé le réacteur Candu, les autres, ils voulaient en mettre partout au Canada. Hein. Fait que là, ils faisaient pression, ces gouvernements provinciaux, là. Mais là, lui, René Lévesque, il disait qu'il fallait mettre 10 centrales le long du fleuve Saint-Laurent. Imaginez-vous toute la pollution que ça aurait faite, là. Fait qu'il y a une chance qu'on n'a eu rien qu'une. Parce que déjà, celle-là, les déchets, là, je pense, c'est une affaire comme 30 000 tonnes qui sont contenues à côté de Gentilly 2. dans des entrepôts de surface. Donc ça, c'est ce prix-là, ça, là. Fait que, au Canada, ce qu'il faudrait faire à la place, c'est avoir un centre de stockage centralisé dans une montagne, caché dans terre, dans le bouclier canadien. À une place que ça bouge, ça grouille pas pantoute. Et non pas garder ça sur les sites où est-ce qu'il y a eu de la production d'énergie, là, puis que ça met toutes les populations en danger. Il faut envoyer ça dans les montagnes, là. Mais là, il y a des règlements qui interdisent le transport de déchets radioactifs, mais il faudrait l'enlever, ce règlement-là, hein? Il faudrait faire une petite passe, là, parce que là, à Gentilly, ça donne rien de stocker des tonnes et des tonnes et des tonnes de déchets, là. Ça, on fera jamais rien avec ça, là. OK? Puis ça, là, c'est parce que, comme j'expliquais, moi, je vais continuer avec mes aliments chez la terre, là, ce sera pas long, là. C'est parce que là, comme j'expliquais, c'est que là, les déchets, eux autres, c'est des déchets nucléaires, du métal chaud. Mais là, après 5 ans qu'ils ont sorti de l'épicine, là, faut qu'ils le mettent, comme je dis, dans des bâtiments, mais c'est parce qu'ils sont encore chauds, là. Fait que ça fait des vapeurs. Puis les vapeurs, ben ça, ils peuvent pas garder ça tout le temps dans la même pièce. Fait que là, faut qu'il y ait des systèmes de ventilation. Puis les systèmes de ventilation, ils envoient ça où, vous pensez? Dehors. Fait que là, dehors, ben il y a des particules qui sortent aussi. Mais là, les autres Santé Canada, ils vont dire, mais c'est pas grave, c'est juste, c'est dans les normes, c'est dans les seuils acceptables, c'est juste des traces. Mais comme je dis, ben là, t'as eu des traces de plutonium sur tes toasts, puis sur tes tomates, parce que t'avais fait un jardin à Bécancour. Mais que ça, c'est pas très bon, là, des traces, là, comme ça, tout le temps, partout. Fait que ça, les déchets, il faudrait les enlever d'être là. Hein? Moi, je vous donne un conseil. Un petit conseil, là. Bon, je vais continuer. Là, je fais toutes sortes de culbutes, là. Là, je vais parler aussi du fer. Le fer qu'on absorbe, qui est super important, qui est pour les globules rouges, là, essentiellement, là. Donc, le fer, lui, regardez ça, il va être confondu par le corps par, justement, le plutonium-238. Ben oui, toi. Puis le plutonium-239. Puis ça, si vous regardez sur Internet, ils disent que le plutonium, ça, c'est un des produits que les pays veulent le plus pour se faire des arsenaux atomiques, là. Mais sinon, le plutonium, ils disent, avec une très petite quantité libérée dans l'air, dans l'océan, ça serait suffisant pour tuer l'humanité au complet. Tellement que c'est toxique, ça, là, ce métal-là, le plutonium, là. OK? Fait que là... Puis là, je peux vous dire aussi, par exemple, en passant, qu'aux États-Unis... Parce que quand un pays développe le nucléaire pour l'énergie électrique civile, ben il y a tout le temps le militaire qui attend à côté, là. Là, le militaire, les autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent pas de l'uranium-239. Ils veulent du plutonium. Pourquoi? Parce que le plutonium, il est plus réactif. Il explose mieux. Tu augmentes ta probabilité que la bombe, elle explose sur ton adversaire. Donc, les autres, ils attendent le plutonium. Puis qu'est-ce qu'ils font avec? Ben, ils font des plutonium balls. Le plutonium ball, ça, c'est une grosse boule, un petit peu plus petit qu'une boule de bowling, tout dépendamment de la charge que tu vas avoir. Puis là, ce plutonium ball-là, ben, tu la mets dans ta bombe atomique, puis elle est prête à l'emploi. Hein? Puis là, tu peux faire une bombe à fusion. Vous faites une bombe à fission, là. Je n'expliquerai pas tout ça, là, mais... Fait que les Américains, eux autres, là, j'ai vu un documentaire, ils ont un centre de stockage de plutonium ball. Fait que là, le nom, c'est... je l'ai ici, là, en tout cas, il me semble, c'est MPAX, là. En tout cas, je vais le retrouver au pire, là. Eux autres, ils ont un centre, parce que eux autres, quand ils ont commencé à désarçonner, à faire le désarmement nucléaire avec les Russes, pour bien paraître, mais là, ils vont dire... Là, on démantèle les bombes atomiques. Mais en fin de compte, ils font juste enlever le plutonium ball. Fait que ça veut rien dire. Fait que là c'est plutonium, les balles là, de plutonium, ça, c'est tout stocké dans des barils. Fait que là, ils vont mettre, mettons, une boule dans un baril. Puis là, ils mettent un baril dans un entrepôt. Puis là, ils disent, ça, c'est pas dangereux. Ça, c'est toute sécurité. Puis là, ils ont des centaines et des milliers de plutonium ball de même. Fait que tu regarderas, là, ceux qui travaillent là-bas, là, ceux qui surveillent l'entrepôt, là, tu le regarderas en face, là, ils ont toutes des verrues d'en face. OK? Puis ça, c'est comme ceux qui travaillent dans un sous-marin nucléaire, là. À un moment donné, ils ont toutes des verrues partout. Pourquoi? Parce que là, ils travaillaient proche d'éléments radioactifs. Il y a quelques petites particules qui ont sorti. Là, il y avait chaud dans le sous-marin. Ils se sont grattés en face. Ah, là, un petit peu de plutonium, un petit peu d'uranium d'en face. Oups, ça fait muter les cellules. Oups, une belle grosse verrue qui te pousse d'en face. OK? Donc, tu sais, fait que là, ceux qui travaillent là, à l'entrepôt des plutonium balls, là, ben, ils ont plein de verrues, ils ont plein de mutations. Ils ont été irradiés. Fait que même s'ils travaillent au gros salaire, s'ils en ont absorbé des particules, et s'ils mangent pas de légumes chélateurs, hein, on sait qu'est-ce que ça fait, là. Fait que c'est pour ça. Fait que dans le fond, tu sais, en tout cas, je donne un exemple, là, parce que ça, le plutonium ball, ça, tout le monde en veut, là-dessus, là. Tous les pays, les autres, là, ils vendraient eux-mêmes pour avoir ça, là. Fait que c'est pour ça, le plutonium, lui, dans le corps, il va être pris pour du fer. Puis aussi, il y a le fer 238 puis le fer 239 qui sont radioactifs, qu'il faut pas consommer. Puis ça, ça va dans les poumons, dans le foie, puis dans les gonades. Après ça, le zinc, bien là, le zinc, lui, il va être confondu par le zinc 65. Puis ça, le zinc, ça va où? Ça va dans les os, puis les gonades encore. Après ça, la vitamine B12, ce qui est important, ça donne de l'énergie. Complexe B aussi, ce qui évite que le cerveau rapetisse en vieillissant, parce que vous savez que le cerveau, il perd 2 grammes de masse par année à partir de 25 ans, puis à partir de 85 ans, c'est 5 grammes de cerveau qu'on perd par année. Sauf que si vous prenez de la vitamine B12, ça va vous garder votre masse cérébrale un peu plus... vous allez garder votre volume cérébral, ce qui va faire que vous ferez moins d'Alzheimer ou de démence vasculaire. Donc, la vitamine B12, elle, est confondue par le cobalt 60. OK? Le soufre, ben là, le soufre va être confondu par le soufre 235. Puis le soufre, il va être récupéré dans la peau. Donc, vous voyez, pour éviter de consommer ces variantes-là radioactives, ben il faut manger des légumes chélateurs. Les légumes chélateurs, ben ça, c'est les fruits et légumes. Puis les plantes médicinales. Fait que, par exemple, les enfants ou les habitants qui habitent proche de Tchernobyl, ben ils leur donnent de la pectine de pomme. Parce que manger de la pectine de pomme, ça fait sortir les radioéléments. Comprenez? Fait que ça, là, j'ai fait un petit survol des aliments, des substances qui peuvent être chélatrices, dans le fond, qui peuvent être évacuées du corps, les métaux lourds. C'est que pour ça, le but encore de consommer beaucoup de fruits et légumes, là, ce que ça va vous aider s'ils sont pas trop aspergés de produits chimiques, là. Donc, c'est ça. Nous autres, au Québec, ben il y a 10 communautés, dont 43 chefs autochtones qui se sont levés contre l'instauration des mines d'uranium dans le nord du Québec, au Labrador. Ce que eux autres, ils ont bien réagi là-dedans, là, évidemment. Là. Ce qui a fait que finalement, ben ça l'a pas passé. Puis, ben il faut continuer à s'intéresser à ça parce que sinon, ben les mines d'uranium, les compagnies, eux autres, ils vont revenir à la charge. Puis ils vont revenir tant aussi longtemps que le monde sera pas assez intelligent pour lutter contre eux autres puis leur dire pourquoi ils en veulent pas chez eux. Hein, eux autres, ils vont entendre une petite faiblesse, là. Fait qu'il faut pas se laisser faire, là. Bon. Comme, mettons, en 1989, là, ben, il y avait 3 mines à ciel ouvert en Saskatchewan. À Clough Lake, à Key Lake, puis à Colin Bay. Au bord du lac Wallasting. OK? Fait qu'eux autres, là, à Saskatchewan, là, c'est fini, là. C'est fini, là. Personne n'en parle de ça au Canada. Personne ne parle du nord de la Saskatchewan que c'est pollué définitivement, là. Fait que là, à un moment donné, puis en Ontario aussi, il y en a beaucoup, là. Il y en a des mines d'uranium, là. Fait que en Ontario, il y a la ville aussi, Uranium City. C'est ça. Les autres, là, à Uranium City, là, t'avais la compagnie Cameco et Areva. Mais Areva, ça, anciennement, ça s'appelait Kojima. Mais eux autres, dans le nucléaire, tu sais, il faut qu'ils changent de nom souvent, la compagnie, là. Parce que à un moment donné, tu sais, tout le monde connaît le nom, fait qu'ils les accusent tout le temps, là. C'est comme Blackwater, ça, là. Fait que dans le fond, eux autres, c'est ça, en Saskatchewan, il y a la mine de Rabbit, la mine McLean, le lac Key, comme j'expliquais, le lac Clough, la rivière MacArthur, ça c'est tout pollué à fond, ça là. Puis en Saskatchewan, ben il y avait le un quart de l'uranium mondial qui était là. Fait que c'est pour ça que ces compagnies-là, ils sont là à tout prendre notre uranium, là. Puis là, ils vont donner des petites redevances, mais on s'entend, c'est rien par rapport à la pollution définitive qu'ils font, là. Fait qu'aller coloniser le nord de la Saskatchewan, là, s'il y avait des projets de développement là-bas, là, on oublie ça, là. On oublie ça parce qu'il va falloir qu'ils en mangent pas mal de légumes chélateurs, là, pour s'en sortir. OK? Fait que c'est ça. Sinon, je peux finir rapidement pour faire un... pour parler un peu de l'industrie nucléaire russe qui n'est pas reluisante non plus. Parce que là, les pays, les autres, quand ils veulent des bombes atomiques, hein, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour en avoir. Fait que si c'est de polluer des grandes superficies de terrain, ça, c'est pas grave. Si c'est de faire travailler du monde dans des villes secrètes où il n'y a pas personne d'autre qui peut aller à part les travailleurs du nucléaire puis qui sont contaminés, ça non plus, c'est pas grave. Fait que en Russie, ben, il y a beaucoup d'atomes grades qu'on appelle. Je peux vous en nommer une couple, là. Le combien qu'il y en avait, en tout cas de 1940 à 1990, ces villes-là n'étaient pas nommées à part avec leur code postal. Donc, ils appellent ça des oblasts, c'est les atomes grades secrets. OK? Fait que les autres, c'est des villes complètement fermées aux touristes, que c'est juste des travailleurs du nucléaire, dans le fond, qui vont soit faire des pièces pour les réacteurs, pour les bombes, pour l'industrie du nucléaire en général. Donc, vous aviez, par exemple, l'oblast d'Arkhangelsk à Mirny, l'oblast d'Astrakhan, la République de Baïchkiri, et puis, c'est ça, en tout cas, l'oblast de Tomsk, Seversk, qui est très connu. Donc, toutes ces villes-là, c'est toutes... tu sais, il n'y a pas de statistiques qui sont données sur les travailleurs, toutes les maladies qu'ils ont eues, parce que c'était des villes secrètes. Mais on s'entend que ces travailleurs-là, ils ont été contaminés beaucoup, là. Ça vit pas vieux, ce monde-là, là. Donc, c'est pour ça, le nucléaire, c'est dangereux à toutes les étapes. Puis, on pourra en reparler une autre semaine plus en détail. OK? Je vous remercie beaucoup d'être venu assister à la réunion dans le Salon des révolutionnaires. We're finally on our-